ma grillage est terminé, ok. J'ai pris ma feuille et mon stylo pour rendre les jaloux plus maco. Les jaloux plus maco, j'attire les nerfs avec les gros. Dédicace ton nécro, de croyable, juste taper ma haut. Papa, papa, papa dans la tête, oh. Fais ton blablabla bla bla dans la tête et cesse de regarder les fesses de ma meuf. J'sais que t'es jaloux, j'sais que ta jalousie monte, monte. Bah les pattes, la jalousie descend en pop, pop. Nigga, je sens qu'on va attaquer la descente. Les bras en l'air, les mains en l'air, les PD vont se faire descendre. Clic, clic, bon, bon, kick, kick, nique ta. Viens pas, ma crinée sur nous, ou tu vas t'aider. La jalousie.